C'est l'heure du crime, je me réveille. AIV, LADD pour des seins, des blés. 8ème album par ODD. Nouveau kata, nouvel éveil, gang gang. Yeah, yeah, yeah. NQNT, MQMQ, MQMQMB. VALD et celui qui congong blagaz aga délégué. C'est l'heure du crime, je me réveille. AIV, LADD pour des seins, des blés. 8ème album par ODD. Nouveau kata, nouvel éveil, gang gang. Si je baisse mal, j'aurais essaye. N'essaye pas de nous faire, j'mets du délai. Sur la voix de ta grand-mère qui s'écrit Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. J'ai deux poignets, faut deux dédates. T'es comme le banquier, tu bégayes. Vilain petit canard comme Féfé, j'resourirai à bord du Féfé. Genre, hey, hey, hey, poussez-vous si je suis pété. J'pourrais me la péter, même répéter. Pourquoi t'es pété toute la noche? Genre, hey, hey, hey, hey, hey. Café quand je suis possédé. Port de la soirée, j'vais délate. Port de l'histoire, ils ont délate. Par le complot, j'suis obsédé. Café quand je suis possédé. Port de la soirée, j'vais délate. Port de l'histoire, ils ont délate. Par le complot, j'suis obsédé. J'ai appris à aimer dans les chiottes du lycée catholique. Suis con blazard à la porte qui disait VD, dépêche-toi, j'ai la colique. Putain, c'était pas joli, même moi j'étais pas joli, pas très cool, un peu grognon. Forcément, j'étais alcoolique, anonyme. Et puis j'ai investi un chromé 8 ans plus tard. Et me manque plus qu'une bombe atomique. Atomique. Je ne veux pas que ça s'arrête. Vous parlez dans le vide. Vous parlez dans le vide. Je ne veux pas qu'on m'arrête. Je ne veux pas qu'on m'arrête. Je vais me jeter dans le vide. Je vais me jeter dans le vide. Allez, faites sauter la planète. Allez, faites sauter la planète. Il gaspille même la salive. Il gaspille même la salive. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je vais me jeter dans le vide. Je vais me jeter dans le vide. Y'a un tas de tonnes sales con dans le déni. Pourquoi tu klaxonnes bad boy sans le faire? Tu fonds comme calotte, salope, clito-sceptique. Que des rapports hardcore. Que j'ai du talent, c'est des calomnies. Que des vampires qui se collent à ta carotide. Qui tient le bâton quand c'est toi la carotte. Ma parole ring pour les comptes, il me faudrait 40 vies. Parle de Dieu, on te diabolise. Parle de gun, on te canonise. Je sais de quoi tu veux t'affranchir. Le paradis n'est pas garanti. Je rentre dans un tunnel. Ah ouais. Au bout, pas de lumière. Ah ouais. Ce monde est cruel. La merde. Allez tous vous faire enculer, gâtez-moi. Autant de moula. Putain, vais, dis-moi ce que je fous là. Écoute, c'est cool, j'écoute ta playlist, on fout la merde. Ok, je t'explique. Rolex, occasion, je t'ai dit l'écu. Knouka sont engendrés cul. Donc pécule, on s'écule. La zone. Courir après l'oseille, c'est ça nos vies. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à nos fils? Parents passent toujours après ça nos fiches. Parents parlant avec l'accent Shaolin. Comment t'entends-tu avec tes rêves? Avant de parler de cauchemars, retire ce que tu as dans les fesses. Allez, ferme ta gueule et prends ta dose. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Vous parlez dans le vide. Vous parlez dans le vide. Je ne veux pas qu'on m'arrête. Je ne veux pas qu'on m'arrête. Je vais me jeter dans le vide. Je vais me jeter dans le vide. Allez, faites sauter la planète. Allez, faites sauter la planète. Il gaspille même la salive. Il gaspille même la salive. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je vais me jeter dans le vide. Je vais me jeter dans le vide.